Alors nous avons déjà vu deux participes passés un peu particuliers. Hecho, du verbe hacer, et dicho, du verbe decir. Il y en a encore quelques-uns, notamment celui du verbe voir, ver, qui donne visto, V-I-S-T-O, visto. Vous connaissez peut-être le mot vista, qui est la vue, hein, la vista, qu'on emploie notamment dans l'expression hasta la vista. Donc, visto, c'est vu. Alors, je l'ai vu se dira lo he visto. Bien, lo he visto. Lo he visto. Je ne l'ai pas encore vu. En espagnol, on dira encore je ne l'ai pas vu. Encore todavía. D'accord, todavía, je ne l'ai pas vu. No lo he visto. C'est ça donc, je ne l'ai pas encore vu. Todavía no lo he visto. Avec todavía en début de phrase. Ou en fin de phrase d'ailleurs. On peut dire no lo he visto todavía. Mais jamais, hein, jamais au milieu. Parce que au bout du plongeoir, a ver, on ne peut que plonger. Donc, et ici est immédiatement suivi de visto. Donc, je ne l'ai pas encore vu, ne se dit pas no lo he todavía visto, hein, comme on pourrait s'y attendre, s'introduit mot à mot à partir du français, mais todavía no lo he visto ou no lo he visto todavía. Alors, nous avons vu hecho, dicho, et maintenant, nous venons de voir visto. Il y a un autre plongeon dans le passé un peu particulier. C'est celui du verbe poner, l'un des verbes gogo, qui donne puesto, mis. Alors, comment direz-vous où l'as-tu mis? Donde lo has puesto? C'est ça, donde lo has puesto. Et nous l'avons mis ici. Hemos puesto aquí. Attention, hein, il ne faut pas oublier lo. Hein, nous l'avons mis ici. Hein, lo hemos puesto aquí.